Un homme m'est apparu une nuit. Après m'avoir dit ce qu'il lui fallait pour être délivré du purgatoire, il est resté là en face de moi et m'a demandé « Est-ce que vous me connaissez ?» J'ai dû répondre que non. Alors il m'a rappelé qu'il y a bien des années, en 1932, alors qu'il avait 17 ans, il avait voyagé brièvement avec moi, Maria Sima, dans le même compartiment, d'un train qui allait à Hall. Alors je m'en suis souvenu. Il avait si violemment critiqué l'Église et la religion, que je me suis senti obligé de répondre, que cela n'était pas bien de sa part, de dénigrer des choses aussi saintes. Cette réponse l'avait ennuyé, et il m'avait dit, « Vous êtes encore trop jeune pour que je vous laisse me donner des leçons. » Je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu brusque, et j'ai répondu, « Malgré tout je suis plus intelligente que vous. » Ça s'est terminé là. Il a replongé la tête dans son journal et n'a plus dit un mot. Quand il est arrivé à destination, et qu'il a quitté le compartiment, j'ai simplement fait cette prière à voix basse. Jésus, ne laissez pas cette âme se perdre. À présent qu'il était avec moi, il m'a dit que c'est cette petite prière qui l'avait empêché de se perdre.